Re-salut les cailloux, on n'a pas de jingle tout de suite maintenant, bon, on en aura un après. Donc vous êtes sur Radio Cayenne, comme tous les lundis, à partir de 19h sur radio.net. On est le 7 janvier. Et ce soir, au début, on avait envie de faire un sketch, un faux journal, un peu anticipation avec qu'est-ce qu'allait nous attendre pour 2019. Et puis bah ça a été Voilà, vachement dur réalité de dépasse la surpasser fiction. voilà exactement. Du coup on n'a pas du tout fait ça. On a plutôt on va parler de trucs d'actu. Et du coup je vais laisser Nine vous dire de quoi on va parler ce soir. Alors du coup, ce soir, un programme dan dan dan dan boum bala boum bala boum bam bam, le micro fonctionne. Donc ce soir, ouais, un programme assez dense. Avec en premier un petit retour sur une occupation qui a eu lieu ce week-end dans le 13e arrondissement à Paris. On vous en parlera tout de suite. Ensuite, pendant une trentaine de minutes, avec un peu de musique et un podcast sur un conte raconté par les copains de Brasero, c'est Ghost qui vous présentera ça. Suivi d'un retour sur l'appel de la profession des cordistes en lutte. Suivra une rubrique sur les conditions de travail dans les petites entreprises par Hobbs. Également un super podcast de l'émission Les Pieds sur Terre, diffusé sur France Culture, où ces deux ex-employés de Chronodrive, qui nous racontent leurs conditions de travail là-bas. Également un petit mot sur Cyntoia Brown, qui sera libérée dans l'état du Tennessee au mois d'août 2019. C'est une très bonne nouvelle et on vous expliquera pourquoi. À suivre également une rubrique Algorithme à la con et compagnie, sur plein de choses, sur comment les données en fait servent de plus en plus à nous espionner ou à nous racketter. Une petite chronique sur Bandersnatch, le dernier épisode de Black Mirror, et sur pourquoi il n'est pas si révolutionnaire que ça. Une chronique Info Kiosque, ainsi que pour finir, pour l'instant, un point anti-rep et médic sur le week-end dernier à Nantes et la lecture de l'appel des Gilets jaunes de Lille. Sur ce, on vous laisse avec un petit peu de musique et on revient très vite. Radio Cayenne, la radio qui sort de la nasse. Au millimètre en filigrane, j'te stabile dans le crâne. Ce style instable distille, habile et volubile. Quitte omnubile et distille ses salves indélébiles, ses potions de pistil, ses élans de presqu'île. J'deal du texte à pile en baril tellement il qu'il congédie la combi des ma pile. Quand j'fais mon cirque, ça scintille plus qu'à Piccadilly. Je garde à l'œil qu'au fond Jekyll pourrait finir par Kill et Billy. J'ai dans le citron des nappes de nuées de piaf. Je suis des yeux, leur virage chorégraphe. Je traduis leurs auspices entre deux tafs. Ils me kidnappent dans leur cap cartographe. Ils captent mes synapses et me capturent dans la toile de leur simultané balle planée de figures. Retourne et repeigne le ciel de mon ventre. De quoi faut-il à ce point que je me déconcentre? Sous les hélicos ratisseurs, tapageurs et patrouilleurs, je regarde le monde à l'extérieur avec ce que j'ai à l'intérieur. Sous les hélicos ratisseurs, tapageurs, patrouilleurs, baladeurs, je monte le son dans les écouteurs. J'entends les murmures rieurs des murs et des merles moqueurs qui refont le monde à l'extérieur avec ce qu'ils ont à l'intérieur. À l'intérieur. Mon regard hagard s'égare entre les gares sur ces hangars vantards, puis ces camtars bavards qui sont criés gares, s'emparent des boulevards tôt ou tard et poussent sur les radars en arguant les ch'tards, hurlant en gras et en grand à coups de griffes, à coups de dents, à qui l'entend, la rue sera à qui la prend. J'ai des ressources à la louche, quand je sursaute à la perche, cette fame qui est trop farouche, finirait pas sur son merche. Elle qu'aime tellement faire mouche qu'elle aille flairer d'autres perches. J'ai tout de suite vu que sa bouche était son moteur de recherche. M'en conne qu'elle est là dans j'tave pas chez Selecta. J'viens chaparder les plans d'un architecte dictat, arracher les branches de ces dialectes d'Ixa, c'est Rodka, le grand chambardement, je m'en délecte déjà. Entre bourrasque, narquoise et paroisse escarpée, dans mon carquois, être inadéquat demeure priorité. Ivresse lexicale, écrire des vers au mescal, poursuivre des escales, assis, assis, tal qual. Système des terres, des mers, des contre-dribles, trouver des combustibles non imposables, ces insatiables cames qui te criblent. La liberté s'arrache sûrement comme leurs câbles. Sous les hélicos ratisseurs, tapageurs et patrouilleurs, regarde le monde à l'extérieur avec ce que j'ai à l'intérieur. Sous les hélicos ratisseurs, des prestidigitateurs font suinter la sueur et s'introduisent au sécateur pour écrire à l'extincteur. On regarde le monde à l'extérieur avec ce qu'on a à l'intérieur. Entre les stalactites de crasse et leurs bas-reliefs, je pose mes sticks et je trace plus vite que le zèf. J'ai vu pousser les grilles et les pics anti-SDF et ces accouloirs sadiques tandis que dans le ciel de la def, squat les races, casse de l'air, squat ma rue. Sans payer taxes, aucune gangrène m'a vu. Comme ces écus sont bancaires à l'affût du moindre espace nu pour planter leurs drapeaux et leurs grues. Tous les 14 juillet prennent les nuages en otage. Éclairage à l'excès, mirage et gaspillage. Quadrillage, flicage, fichage, filtrage. Péter les accès, trouver les passages. Pourvu que la porte s'ouvre, je jouerai à ce que je trouve. Voué à finir sourde, j'entends la valse de mon cou. Dans les forêts de mes doutes, elle marche à pas de loup. Et les soirs de pleine lune, elle me donne rendez-vous. Sous les hélicos ratisseurs, tapageurs et patrouilleurs, je regarde le monde à l'extérieur avec ce que j'ai à l'intérieur. Sous les hélicos ratisseurs, des prestidigitateurs font suinter la sueur et s'introduisent au sécateur pour écrire à l'extincteur. On regarde le monde à l'extérieur avec ce qu'on a à l'intérieur. J'étais petite, je regardais la street et je croisais ce type qui avait l'air addict d'écrire seul au feutre des briques et des vitres. C'était ça son trip, à défaut d'une clique, j'étais son public et je me suis dit qu'on était peut-être une meute. Et je me suis dit qu'on était peut-être une meute. Les petits contes qui crépitent au coin. Du Brasero. Brasero. Raconte. Raconte. Brasero raconte. Qu'est-ce que tu racontes, Brasero? Eh, hey, Brasero, ça raconte quoi? Brasero. Ça raconte quoi, Brasero? Tu la racontes ou tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes, Brasero? C'est l'histoire de Blanche-Neige qui s'en va en lutte. Il était une fois, dans un royaume pas si lointain, une personne nommée Blanche-Neige. Fille du roi et de la reine, elle faisait partie des personnes les plus privilégiées de ce monde, mais ne s'en rendait pas compte, et n'avait du monde extérieur qu'une pensée hautaine et lointaine. Blanche-Neige passait la plupart de son temps dans son château. Elle allait et venait, dans une solitude légère, parsemée de visites familiales et mondaines. Un jour de printemps, alors qu'elle errait dans la grande et somptueuse bibliothèque du château, un épais livre d'un rouge éclatant tomba à ses pieds. Intriguée, elle le ramassa, l'ouvrit et le lut. Ce livre lui plut tellement qu'elle retourna à la bibliothèque chaque jour durant 4 saisons et dévora, en un an, tous les livres du même rayon sur lesquels s'inscrivaient théories politiques et critiques. C'est ainsi qu'elle eut accès à des textes politiques divers et son esprit devint au fil du temps clairement révolutionnaire. 4 saisons étaient passées et Blanche-Neige se transforma. Désormais, elle épouserait la cause des plus démunis. Elle prendrait du recul sur sa vie et irait même jusqu'à devenir végétarienne. Les mois passèrent. Sa soif de théorie ne s'éteignit pas. Mais peu à peu, elle sentit naître en elle le besoin de lutter concrètement. Et ce, de plus en plus vivement. S'échapper des mots, disait-elle seule dans sa haute tour. Afin d'enrayer le système capitaliste qui empoisonne le monde. Un matin du mois de mai, les cerisiers étaient en fleurs, c'était le temps des cerises. Elle entendit des cris et des bruits à l'extérieur du château. Passant la tête par la fenêtre, elle aperçut une foule de nains passant devant sa demeure. Ce vacarme n'était autre qu'une manifestation organisée par le syndicat des nains mineurs, qui se battait contre la délocalisation des mines de charbon. Leur patron, le grand méchant loup, voulait licencier tout le monde et partir dans le royaume de Chronos, où le temps du travail coûte moins cher. Les nains virent Blanche-Neige et crièrent dans le mégaphone. « Cesse de nous regarder! Rejoins-nous !» En entendant cela, son sang ne fit qu'un tour. Elle descendit en courant les 584 marches de son escalier en colimaçon et se glissa dans le cortège syndical. Après la manif, elle resta avec les nains. Aussi le jour suivant, et même le surlendemain, Blanche-Neige finit par passer le plus clair de son temps dans la lutte, s'investissant totalement dans le syndicat, se mettant à écrire des textes, des slogans. À la fin du mois de mai, après un mois de lutte, Blanche-Neige décide de quitter son château et ses privilèges et part vivre avec les nains dans leur maison. Le temps passait, et pour la première fois de sa vie, elle se sentait utile à d'autres. En effet, pendant que ses camarades passaient leur journée entière à tenir les piquets de la grève, elle gérait le lieu, faisait des récup avec tous les animaux, s'occupait d'une grande partie des tâches ménagères, photocopiait les tracts et préparait le repas de ses braves grévistes. Lorsqu'ils rentraient enfin, elle discutait avec eux de la lutte et enrichissait les débats de toutes ses connaissances. Ils la considéraient comme une vraie mère. Le temps passait encore, et à son grand désespoir, après 8 mois de lutte, elle n'avait encore jamais participé à une action directe. Elle avait déjà demandé 1000 fois si elle pouvait accompagner les nains, mais les réponses étaient toujours les mêmes, paternelles et sans pitié. C'est dangereux pour une jeune et jolie jeune femme comme toi. On ne voudrait pas que tu t'abîmes. Tu sais, Blanche-Neige, parfois il faut courir vite, et puis tu es indispensable à la maison. Ben ouais, qui nous ferait notre casse-croûte d'après-manif si t'étais pas là? Puis tu sais, les nanas, ça leur va pas trop la cagoule. Jusqu'au jour où il se passa quelque chose. Et ce quelque chose commença comme un rien du tout. Ce qui d'ailleurs est souvent le cas des quelque chose. Ce quelque chose commença donc lors d'une grande assemblée générale qui réunissait, comme chaque semaine, les gens du royaume et plus loin encore. Bon, c'est vrai qu'au début, c'était comme d'habitude. Il y avait des nains, des elfes qui expliquaient aux autres comment doit s'organiser la lutte et en définitive, qu'est-ce que ça voulait dire lutter. Blanche-Neige était un peu à bout, c'était toujours pareil. Elle avait de plus en plus l'impression que cette histoire ne menait nulle part. Tout à coup, elle entendit une voix au loin. Blanche-Neige, Blanche-Neige! Elle se retourna et vit deux silhouettes. Celle d'un petit cochon à l'air sympathique et celle d'une petite fille à la cagoule rouge. Hé, les amis, vous les avez reconnus? Vous vous souvenez? C'est Nouf-Nouf et la petite cagoule rouge qui se sont fait remarquer dans la région voisine pour leurs actions dignes de contes de fées. Ils interpellèrent Blanche-Neige. T'en as pas marre d'entendre parler tout le temps les mêmes personnes? T'as pas envie d'agir toi aussi? Viens, on va leur dire le fond de notre pensée. Après une discussion passionnante avec Blanche-Neige, les trois complices rentrèrent dans la salle, plus déterres que jamais. Dans la salle, la discussion de l'Assemblée Générale tournait en rond. 3 heures pour décider si le blocage durerait 1 heure ou 1h10, s'il fallait prendre des saucisses ou des merguez. Et pour l'instant, tout ça n'avait servi à rien. C'est alors que nos trois amis décidèrent de prendre la parole. C'est quoi votre délire avec votre piquet de grève tout pété, là? Faut passer à la vitesse supérieure. Grève, blocage, sabotage, manif sauvage. Intéressés ou interpellés, tous les membres de cette joyeuse réunion se mirent à écouter les récits de Nouf-Nouf et de la petite cagoule rouge. Les actions collectives sur les lieux de travail qu'ils avaient bloqués, les actions d'autoréduc qui avaient mis un sacré coup au supermarché du grand méchant loup. Dans l'assemblée générale, leur récit posa quelque chose d'assez étrange. D'abord, il y eut comme un silence grondissant. Puis, les gens commencent à chuchoter de plus en plus fort. On sentait que quelque chose prenait, comme un étrange feu qui commencerait à brûler. Au bout d'une semaine, le discours éloquent de nos complices faisait son effet, même sur les nains. Ils commencèrent à s'autogérer, et une grande partie des nains et des elfes s'organisaient désormais en dehors des cadres syndicaux. Ils organisaient des AG indépendantes, lançaient des appels à rassemblement et prenaient les têtes de cortège pendant les marches syndicales. même que souvent ça partait en manif sauvage, voire en grosse émeute, et qui défonçaient tout avec leurs pioches de mineurs. Les médias se servaient de ça pour faire de la propagande, en les désignant comme des groupuscules de casseurs anarchistes d'extrême gauche. Mais les nains n'en avaient plus rien à foutre de leur image médiatique et continuaient de cramer des trucs à leur guise en chantant « On est tous des casseurs mineurs, sifflés en émeutant. » Non mais, ah, stop ! Mais c'est, ça devient n'importe quoi. Enfin, là, ils deviennent hyper violents. Enfin, je veux dire, c'est hyper trash, quoi. Ouais, bah en même temps, la violence, elle vient du grand méchant loup. Du coup, c'est légitime. Ah ouais, non, mais attends, c'est légitime. En même temps, s'ils cassent tout, comment tu veux qu'ils trouvent du soutien après ? Enfin, je veux dire, ils peuvent pas faire tout seuls, quoi. Non, mais attends, c'est bon, on va pas passer deux plombes là-dessus. On retourne au compte. C'était le 10e mois de la lutte. Et depuis 2 semaines, tout s'activait. Mais toujours pas pour Blanche-Neige. Ah ouais, c'est bien beau l'autonomie politique. Mais l'autonomie pour qui ? Moi qui croyais que sortir des idérances des syndicats les ferait évoluer, ils sont toujours aussi cons, hein, toujours aussi bornés. Blanche-Neige, c'est dangereux pour toi, reste ici. Eux, ils disent autogestion. Autogestion, mais ils croient qu'ils s'autogèrent tout seuls, le ménage du squat. Et ce soir, hein, c'est qui a tout prévu pour la soirée de soutien des mineurs incarcérés ? Le soir même, à la soirée de soutien, alors qu'elle venait de finir de ramasser les assiettes éparpillées aux 4 coins de la salle, Blanche-Neige sort fumer une clope avec Petite Cagoule Rouge. Très vite, en discutant, elles se rendent compte qu'elles partagent beaucoup d'expériences similaires et qu'elles sont loin d'être seules dans ce cas-là. Jasmine, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Podane, toutes sont exclues des actions directes par les camarades machos. Pour pouvoir s'organiser loin des gros bolos sexistes qui pensent avoir tout compris à la lutte, elles décident d'organiser des actions entre elles, des actions non mixtes, à la fois pour dénoncer le problème de la délocalisation de la mine, mais aussi pour révéler les problèmes de sexisme, notamment dans la maison des nains autogérés. Non mais attends, là je comprends pas, parce qu'elles font des actions contre l'exclusion des filles, et au final c'est des actions non mixtes, si les mecs ils participent pas à ça, ils vont rien comprendre du tout, ils vont pas changer quoi. Non mais en fait ça fait des mois qu'elles essayent de faire comprendre aux gars que ça marche pas du tout cette histoire. Forcément, à un moment elles s'organisent, parce qu'elles ont raison. Il faut les faire participer, enfin je veux dire, bon, si tu t'organises... Vas-y, on reprend le compte là, on va perdre tout le monde. Hein. Le premier matin du mois d'avril, après quasiment 1 an de lutte, le loup fit une déclaration publique. Nains de tous les pays, je vous ai compris. J'ai entendu votre demande. La mine ne sera pas délocalisée et vous garderez vos emplois. Fiers nains, vous êtes la lueur brûlante de notre nation. Et dans le pays des nains, tout est bien qui finit bien. Qui finit bien, mais enfin, pour moi, ça finit pas bien du tout. Enfin, ils continuent à se faire exploiter, là, en travaillant encore à la mine. Ouais, mais bon, enfin, c'est un compte, faut bien que ça finisse bien, quoi. Non, puis au final, ce qui est important, c'est tout ce qu'ils ont créé pendant le mouvement. Ils ont ouvert des maisons, ils ont fait des trucs ensemble, ils se sont rencontrés, quoi. Non, mais là, c'est pas fini du tout. Ils ont gagné une bataille, encore toute une guerre à mener. Enfin, je veux dire, il y a 1000 sujets qui doivent discuter, emporter. Ça fait 6 mois qu'ils sont en grève, là. Non, mais c'est bon, il n'y a pas que le problème du sexisme. On est toujours sur Radio Cayenne et vous venez d'écouter un conte qui vient tout droit de Bras Zéro. Et Bras Zéro, c'est une émission de radio que vous pouvez écouter sur Canal Sud. Canal Sud, c'est une radio toulousaine, sur le 92.2 du côté de Toulouse, du coup. Et Bras Zéro, c'est tous les lundis de 19 à 20h sur cette même radio. On va continuer avec encore un petit peu de musique. Un petit jingle de Bras Zéro juste après cette musique. Encore de la musique. Et après, on va écouter On va écouter, on va parler. Je me rappelle plus, alors je regarde. Ah, de l'occupation de ce week-end à Paris. À tout de suite. Radio Brasero, la radio des totos. Bah non, mais pas que. Mais pas que. Nous sommes le lundi 7 janvier 2019, première émission de l'année sur Radio Cayenne. C'est Nine et ce soir je vais vous parler d'une occupation qui a eu lieu ce week-end en France à Paris. Dans le 13e arrondissement, ce sont plus de 200 personnes sans domicile fixe, accompagnées de militants, militantes du DAL, association de relogement, qui ont occupé un immeuble du 13e arrondissement parisien pour dénoncer les 346 000 logements vacants existants en région parisienne. Donc c'est un bâtiment qui appartient au groupe Amundi, qui est une filière du Crédit Agricole et qui abritait auparavant la Brigade Financière, ce que je trouve assez rigolo. Donc c'est un immeuble assez énorme, de plus d'une dizaine d'étages. Et voilà, malheureusement, ils se sont fait expulser dans la soirée, le jour même, par la police, qui leur a tout de même envoyé la brigade cynophile, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec les chiens. L'expulsion s'est conclue par... a été assez violente, d'après les témoignages, et s'est conclue en fait par l'hospitalisation d'une femme enceinte et d'une mère de famille qui ont toutes les deux été blessées à la main, on suppose par des coups de matraque. Donc voilà, gros big up à eux. Et voilà, c'était la petite news, et on envoie de la musique. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix.